C'est rendu la dernière émission du Undead Incorporated Show du mois de mars, ce qui signifie que cette édition de réanimation comportera la traditionnelle présentation de l'album marquant. Mais qui plus est, sera aussi le début de cette nouvelle présentation de mon assistant, soit l'évolution du métal selon Sinistrose, ce qui reste d'être pas mal comique, parce que pour le gobelin, cette évolution passe par l'âge du bronze, de l'acier et celle de l'aluminium. Il y a un petit bout qui n'a pas compris. Pauvre insignifiant. Mais en plus de tout ça, cette dernière émission de mars souligne le décompte de réanimation vers la pause estivale, qui, comme pour les trois dernières années, laisse sa place et l'antenne à la diffusion du baseball. Le baseball! Donc, théoriquement, il y resterait encore possiblement 8 éditions. C'est donc à suivre. Mais pour le moment, voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant, parce que, séparément, ils sont assez épouvantables, mais ensemble, ils sont dangereusement exécrables. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated, cause Pendragon and Sinistros said so. Good old trash metal. Let's go. Through the door. Yeah. Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette dernière édition du mois de mars, ce 27 mars de l'an des disgrâces 2018. Je suis Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h en compagnie de cette teigne qui est nul autre que... Ben en fait, c'est même un abcès, je devrais dire. Heureusement qu'il n'est pas sur moi. Sinistros! Attends pas que je sois sur toi. Ça arrivera jamais. Ça arrivera jamais, mais sais-tu pourquoi? Parce que même la grippe veut pas de moi. As-tu vrai? Non. Non. Non. T'aurais pu dire oui. Je pourrais dire oui, mais j'ai choisi non. OK. Comment vas-tu? Ça va. C'est pas important. C'est pas important. C'est pas important. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Pas grand-chose, finalement. Ben, ce qui m'inquiéterait, c'est que tu me dises que tu es vraiment bien, parce que toi, en tant que pestilentiel personnage, tu te dois d'être toujours un peu maladif, là. Oui, mais je me sens bien là-dedans. Il n'y a pas de problème. Oui, d'accord. C'est excellent, ça. On vient d'entendre comme premier bloc de présentation... Hey, c'est-tu ce beau concept années 80, ton affaire? Ben, on peut rien te cacher, toi. Ben oui, j'adore ça. Wow, t'es rendu, je te dirais, assez perspicace. Non, mais ben, je t'arrête de me minder à mes nouvelles chroniques qui s'en viennent, là. Fait que... Mais c'est pas une raison de m'interrompre, ça? Oui. OK. Oui, comme Sinistros le disait, c'est good old trash metal, et honnêtement, c'est des trucs que j'aime encore beaucoup écouter, là. Ben, honnêtement, ça va être des trucs qui vont éventuellement faire partie de mon évolution métallique, ça fait que tu m'as devancé un petit peu, mais c'est pas grave. Non, c'est non, toujours bon, pas. Pareil. C'est toujours bon. Le but, Sinistros, n'est pas de te devancer. Le but est simplement de te contrecarrer. On vient d'entendre la formation de Californie Dark Angel, et comme le dirait si bien notre ami DJ Tower of Death, oui, on sait que le docteur aime beaucoup Dark Angel. Effectivement, j'aime beaucoup Dark Angel. Et la pièce Merciless Death, qu'on retrouve sur leur deuxième album, Darkness Descends, qui est paru le 17 novembre 1980. Sur Combat. Et tu sais que cet album-là, j'avais découvert ça grâce à jadis, notre ancien gérant jadis. Johnny Hart, qui, lors d'une visite qu'on avait fait chez lui dans le cadre des affaires du groupe, ainsi de suite, il m'avait dit « Ah, écoute ça, tu devrais aimer ça. » C'était le vinyle, évidemment. Et puis, j'avais complètement capoté là-dessus, tellement qu'il m'avait donné le vinyle. Fais-le. Oui. Il m'avait donné le vinyle et un autre membre du groupe dont je vais taire le nom ce soir m'avait dit « Est-ce que tu me le prêterais? » J'ai trouvé ça bon, j'aimerais ça pouvoir l'écouter moi aussi. J'ai dit oh, « Oui, certainement, avec plaisir. » Tu n'as plus revu le vinyle? Non, parce qu'il a coté son calorifère. Eh ben! Voilà. Donc, juste avant, nous avions Creator d'Allemagne, bien sûr, et une pièce tirée de leur deuxième album également, qui s'intitule toujours Pleasure to Kill, soit Command of the Blade, album qui est paru le 1er novembre 86 également sur Noise, et nous avions ouvert avec Exodus, et bien sûr, tirée du premier album Bonded by Blood, la pièce Metal Command, qui, elle, est parue sur cet album, enfin, en même temps que le reste de l'album, j'imagine. Le 25 avril 85 sur celle-ci est parue le 25 avril sur l'album et l'album est paru le 26. Voilà, c'est ça. En fait, quand la pièce de single, tu sais ce que c'était un single à l'époque, hein? On découpait seulement un petit vinyle. C'est ça. Fait qu'il fallait être très ferré parce que si tu passais à côté, tu manquais 30 dernières secondes de la toune. Voilà. Ce soir marque le début de la première chronique de Sinistros, qui est l'évolution du métal selon Sinistros, dont il va pouvoir nous entretenir plus amplement après cette pause publicitaire que nous allons faire à l'instant, si tu le veux bien, parce que je sais que... Je tu le veux vas... pas, mais on va le faire pareil. Ben, c'est quoi, obligation oblige. Parce que je sais que tu vas probablement beaucoup t'enflammer dans ta présentation, que tu vas avoir beaucoup de choses à déblatérer. Peut-être pas non plus. J'aimerais bien que tu rendes dans le minutage que j'ai prévu. Oui. Bon, beaucoup de choses à déblatérer. Peut-être que ça sera pas tout intéressant, là, mais... Ça sera peut-être même pas intéressant du tout. Ben, j'aime beaucoup ta franchise. On va en pause. C'est fou, 89.1. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. Né en 2002 à Montréal, Slamdisk, c'est le label de la découverte francophone. C'est près de 40 000 albums, plus de 100 vidéoclips et la gestion de plus de 800 spectacles. Pour tout découvrir et vous tenir au courant, abonnez-vous à la page Facebook Slamdisk et à la chaîne YouTube. Bonne écoute! Le prétexte? c'est simplement une raison pour parler de musique. Tous les dimanches soirs, 19h, c'est fou, 89.1 FM. Salut, Trifluvien et Trifluvienne, c'est Marc Gagné de l'émission C'est dans ta face. Là, je te fais passer du solide dans musique rock francophone. Fait que attache ta tuque, c'est dans ta face de 15h à 16h à la Radio Campus, c'est fou, 89.1. De retour. Et comme je le disais juste avant cette pause publicitaire, Sinistro s'amène un nouveau concept ce soir qui est, qui se veut un segment historique, mais aussi éducatif, n'est-ce pas? Oui, éducatif, effectivement. Je vais faire un Sam Donne de moi-même. D'accord. Mais pas mal plus élaboré que c'est le côté. En fait, oui, ça va être plus élaboré que ce que Sam Donne a fait avec tous ces trucs qui sont très intéressant. Fait que les auditeurs qui ont jamais vu les films, les documentaires de Sam Donne, Metal Headbanger ou toute la série L'évolution du métal, ouais, selon Metal Sam, Evolution, en fait, ouais. Allez écouter ça. C'est une belle tranche d'histoire, oui, tout à fait, métallique. Tout à fait. Moi, je vais aller plus loin que ça. Mais vas-tu être aussi intéressant? Non. OK. C'est bien. Non, absolument pas. Ouais, je pense qu'on pourrait peut-être penser à autre chose tout de suite. OK, que, c'est bon. Bon, ben, bon, on y va avec le Morgan Jotman. Vas-y, je te laisse aller. Vous savez très bien c'est que... C'est long, pas mal. Je sais, très, très long. Probablement que plusieurs d'entre vous ont remarqué que j'étais actif quand même un peu sur plusieurs groupes Facebook avec mes chroniques, les posters de réanimation et, tu sais, genre du monde un peu de temps en temps. Puis... En tant que vieux schnock qui a connu le métal depuis ses débuts, je trouve qu'aujourd'hui, il y a une bonne partie des métalleux qui manquent cruellement de culture métallique puis de culture musicale en général. Je seconde. C'est possiblement pas de leur faute. Non, peut-être pas de la nôtre non plus. C'est sûrement pas de la nôtre. On va pallier à cette histoire métallique, ceux qui nous écoutent, ceux qui connaissent toute l'histoire complète, ben prenez juste plaisir avec. J'ai décidé de reculer très, très, très, très loin pour vous montrer que le métal, c'est pas le metalcore d'aujourd'hui, c'est pas le deathcore aujourd'hui, parce que c'est des affaires préfabriquées pratiquement et que c'est. Là, je vais en faire mal à certaines personnes, peut-être qui vont se sentir un petit peu attaquées. Ben, en fait, tu vas retourner pratiquement 50 ans en arrière. Ben, pratiquement, oui. On sait tous que les pionniers du métal, c'est Black Sabbath. J'aurais pu reculer encore plus loin que ça. Écoute, moi, j'ai une certaine réserve avec ça. Hein? Oui. On dit que les pionniers du métal, on attribue souvent le mouvement métal et doom à Black Sabbath, mais on sait que c'était des catalyseurs. Parce c'est des, oui, parce qu'il y avait choses bien avant ça. Là. Vous allez l'entendre dans mon premier mix. J'ai mis quelques petites... surprise qui recule jusqu'à 1962 ou 63, je pense. On peut reculer encore plus loin que ça. Là, mm-hmm. Parce que qui dit métal aujourd'hui, ben, faut reculer. Le métal, en fait, c'est un mélange de blues puis de hard rock. C'est devenu un peu plus heavy. C'est, bon, ben, le blues s'est transformé en rock. C'est en plein ça. Le rock s'est transformé en hard et ainsi de suite. Là, si on recule, bon, ben, le blues, c'était quoi avant le rock and roll? Avant, c'était le jazz. Avant le jazz, c'était le classique. Puis, tu sais, là, c'est une roue qui tourne, parce qu'on dit beaucoup que le heavy metal, c'est un peu la musique classique contemporaine d'aujourd'hui, tu sais. Fait que le parallèle est là, quelque part. Sauf que je reculerai pas en 1600 à cup, là. Ben, c'est parce que les rouleaux de cire sont durs à trouver. C'est très difficile à trouver, effectivement. On va commencer en 1970, là où tout a vraiment décollé. J'ai choisi une portion avec... c'est l'ancêtre du doom, dans le fond. C'est du pur, pur doom qui s'est transformé en heavy metal par la suite. On va avoir droit à Black Sabbath avec Sir Lucifer's Friend et Sir Lord Baltimore. Ces trois albums qui ont été fort marquants pour la suite des événements. c'est sûr et certain que dans les prochaines interventions que je vais faire à ce niveau-là, les années 70, on va les skipper très rapidement. Mais c'est parce qu'on pourrait s'attarder pendant des années. Ça n'aurait juste pas de bon sens, là. Ouais, ouais. C'est sûr et certain qu'il y a eu un boom entre 1970 puis 1980. Ça, dans la prochaine intervention, on va splitter ça, là, tu sais. Les prochaines, on risque de s'attarder chaque année. Parce qu'il y a eu des affaires et une évolution monstre à chaque année. Oui. Même que l'année 1983, à elle seule, risque de faire au moins 3 émissions faciles. Ben, on s'entend que, je te dirais que 78, 79, 80 et 80 principalement a été une explosion au niveau de ce genre-là qui a vraiment pris racine et vraiment pris nom proprement dit au niveau du heavy metal avec les formations qui sortaient émergentes, les Iron Maiden, les Def Leppard et compagnie. Donc, Def Leppard, on sait qu'ils ne sont pas restés métal. Là, ben, ils ne sont pas restés métal, c'est sûr que certains... C'est comme Metallica, ils ne sont pas restés trash, ils ne sont pas restés... Ouais. T'as certaines évolutions, t'as des branches qui s'en vont à droite et à gauche. Puis c'est là qu'on va voir qu'à partir des Black Sabbath, au fil des années, des décennies, toutes les sous-branches qui sont en venue avec le métal, tu sais. Mais ces sous-branches-là, ils ont pris des influences ailleurs. Évidemment. Puis je vais vous montrer au cours des prochaines semaines, des prochains mois, puis le kit, on risque de s'aventurer dans des terrains un peu plus inconnus puis un peu plus bizarres. Ben, c'est merveilleux de s'aventurer dans des terrains qui sont pas des sentiers battus. C'est clair, c'est clair. Fait qu'on va y aller tout de suite avec le premier segment dit heavy metal, avant même que ce soit du heavy metal. Vous allez entendre dans le segment trois ou quatre petites annotations à des vieilles affaires comme The Kinks, les Rolling Stones et les Beatles. Sans ces trois-là, il n'y a pas de métal aujourd'hui, c'est clair. Là. Ben, en tout cas, il serait différent. Ben, il serait peut-être pas là du tout. Là. Peut-être. Fait qu'on y va tout de suite. Black Sabbath, la pièce Black Sabbath, tiré de l'album éponyme Black Sabbath, paru en 1970. On revient après la présentation. C'est ça. Go! Thank you. Ben, pour une fois, je suis fier de toi. Merci. Mais pas tant que ça, finalement. Un petit peu. Un peu plus, je te reconnaissais pas. Non, blague à part, j'ai trouvé que c'était bien. C'était bien. Tes choix étaient bons. Ben, si on part avec un point zéro. Oui, mais ça représente bien. Ça représente bien Sinistros, honnêtement. Ça va être important de comprendre aussi, éventuellement, qu'il y a des bien-pensants qui pensent que les étiquettes musicales, ça sert à rien. Ben, c'est pas vrai. Ben, il faut bien être capable de cataloguer quelque chose. Tu sais, quand tu vas à l'épicerie, là, toi, tu te rends-tu dans... Ah ben moi, j'y vais pas, ils me laissent pas rentrer. OK. Mettons. J'envoie ma douce. Mettons que tu pouvais rentrer. Bon, mais ta douce. Est-ce que ta douce, elle rentre? Bonjour, j'aimerais avoir de la nourriture. Probablement que c'est son genre, oui. D'accord. Mais appelons un chat. Mais évidemment. Un chat. Non, t'sais. Mais c'est comme quelqu'un qui dit... Bonjour, monsieur, je peux vous aider? Oui, j'aimerais avoir une automobile. Oui, c'est mais ça. Encore, mais j'ai une automobile. J'ai une automobile, c'est ça. C'est oui, ça. Eh oui, tout à fait. C'est comme la nouvelle mode des groupes d'aujourd'hui qui mettent pas d'étiquette sur leur musique. Ouais. Nous autres, on est un groupe métal. OK. Mais encore. C'est ça. Ouais. Dans quelle branche te situes-tu dans le métal? Mm-hmm. C'est sûr et certain que à 98,4% du temps, c'est des bandes de metalcore qui veulent devenir des vraies bandes de métal. Fait que eux autres, ils disent, nous autres, on est un band métal. Ouais. Mais finalement, t'écoutes ça, puis ça sonne comme Disturbed ou Nickelback. T'sais, c'est comme... Nickelback. Ou Nicole, c'est ça. Ben, je te laisse le loisir de nous présenter ça encore. Eh bien, on a entendu trois albums qui ont été, ma foi, très marquants pour la suite des événements dans le monde du heavy metal, qui ont influencé bon nombre de groupes par la suite. On a eu Sir Lord Baltimore avec la pièce Master Heartache, qui est parue sur le premier album Kingdom Come, qui est paru en 1970 sur Mercury Records. Formation de New York. De New York. Vous voyez, à l'époque, les gros labels mettaient l'emphase sur la musique puissante. Hein? C'est plus comme aujourd'hui. Lucifer's Friend avec la pièce Ride the Sky sur l'album Lucifer's Friend, qui est paru en 1970 sur l'étiquette Philips. Leur premier également. Premier, oui. Lucifer's Friend, qui existe encore aujourd'hui, qui font encore des albums. Formation allemande. Oui. Black Sabbath, qu'on a tous reconnu. Évidemment. Si vous l'avez pas reconnu, c'est peut-être le temps que vous ayez... En tout cas. Oui, mais il y a une certaine carence quelque part. Là. C'est peut-être, oui, il vous manquait de fer un petit peu, là. Oui. T'sais, on parlait tantôt de l'âge du bronze, l'âge de l'acier et de l'aluminium. On n'est pas rendu à l'aluminium encore, mais là, c'est vraiment l'âge du fer. Là, Black Sabbath avec la pièce Black Sabbath qui est tirée de l'album, premier album éponyme de Black Sabbath, qui est paru en 1970 sur Vertigo. Et tu sais que la petite synthèse que tu as fait au début, là, alors qu'on entend l'orage et la pluie de la tourne de Black Sabbath, c'était bien placé parce qu'effectivement, moi je suis d'accord avec toi, le Kings, c'est un. Ben, j'ai un eu groupe. Ce flash-là en me levant dimanche matin. J'ai aucune idée pourquoi. Ça, comme... pourquoi. Tu sais pas pourquoi tu t'es levé dimanche matin? Non, moi je sais jamais pourquoi je me lève. Okay. C'est un flash que, ben, en allant faire mes petits trucs, mon petit café matinal et tout. Un gobelin, ça boit du café? Oui. Très fort. Oui, mais avec l'eau de toilette. C'est sûr. Okay. Écoute, tu fais ton café. Franchement. Tu savais que les meilleurs cafés, c'est fait avec de l'eau de toilette. Oui. Mais c'est ce que je voulais dire, c'est que The Kings, c'est probablement un des groupes qui a amené de façon, je te dirais, beaucoup plus évidente l'apport d'une guitare qui sortait beaucoup plus distorsionnée. Ben, sais-tu comment c'est arrivé, cette histoire-là? Ben, j'ai eu ouï dire que ce serait probablement... Un accident. Un accident, effectivement, à cause d'un haut-parleur. Ben, c'est parce que le gars, un des guitaristes, il avait mis son Twin Verb sur le dessus de son hood de char. Le Twin Verb a sacré le camp à terre. Fait que, il a brisé quelque chose. Fait que le gars était tellement maudit qu'il a sacré un coup de pied dans le... Puis il a pété un haut-parleur. Fait que quand il est arrivé dans le studio, ça sonne donc bien cool. Fait que c'est de là qu'il est né. C'est pas de là qu'est née la distorsion parce que ça avait été fait avant par des guitaristes. Il y a un guitariste noir dont j'oublie le nom qui jouait du blues. Puis que lui, il est un des instigateurs de ce petit côté vraiment crunch-là. Mais tu sais que la pièce Satisfaction et Rolling Stone, quand Keith Richard a pondu cette pièce-là, le voulait être un émulateur d'un saxophone, hein? Ça se peut très bien. Oui, oui, tout à fait. On en a parlé à Rock Classic il y a quelques temps de ça. Et vous savez tous que le premier feedback était accidentel. C'est George Harrison qui avait accroché sa guitare sur, je me trompe pas, c'est 8 Days a Week ou Day Tripper peut-être. Il a accroché sa grosse corde, puis ça a fait un feedback. Puis ils ont laissé ça comme ça sur l'album. Excellente idée. Oh, oui, c'est merveilleux, le feedback, j'adore ça. Oui. Ben, c'est une belle présentation, ça. Ben, c'est pas fini. Disons, on va avoir ça, des histoires métalliques comme ça, à toutes les deux semaines. Mm-hmm. Parce que ça risque d'être très, très long. Parce qu'éventuellement, je vais m'attaquer à, quand on va avoir fait le tour pas mal, je vais m'attaquer au sous-genre en tant que tel, d'où ça part. T'sais, le doom, ça part de où? Le gothic metal, ça part de où? Mm-hmm. Bon, etc., etc., là. Oh, c'est oui. Sûr qu'on va s'attarder sur des styles de métal un peu plus bizarres, là. Ouais. Parce que là, il y a des affaires. C'est de l'histoire ou c'est pas de l'histoire? C'est de l'histoire. Non, justement. Et tu devras fouiller, puis c'est parfait comme ça. Oh, j'aurais pas fouillé, ben. 19h50, ben on va aller écouter une pièce d'une formation qui a énormément changé depuis le temps. Je parle de la formation Catatonia, qui a vu jour en 1900. Ben en fait, officiellement sous ce nom-là, 91, mais ils existaient en 87 avec sur le nom de Melancholium. Formation qui a vu son deuxième album, Brave Murder Day, marqué évidemment par l'apport du vocal de Mike Akerfeld. Quel album, c'est... C'est un album assez original qui, moi, lorsque je me le suis procuré, pas en 96, faut que je sois honnête, probablement en 98 ou 99. Et j'ai ouh que c'est ça. Mais ben, écoute, c'est quelque chose quand même qui demeure pour moi très original. Oui. Formation Catatonia qui a toujours su se réinventer d'album en album, même s'ils sont tombés beaucoup plus rock. Ah, ben, aujourd'hui, c'est du rock dépressif. Oh, oui, font, c'est ça. C'est ça. Mais je déteste pas ce qu'ils font par moment. Il y a des choses que je trouve intéressantes, mais sont des années-lumière de ce qu'ils faisaient à l'époque. On va se taper la pièce Brave. La meilleure pièce de l'album, justement. Je crois, une des bonnes. Let's go. êtes à C'est fou. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. Du lundi au vendredi, Mathieu Plante, Tania Beaudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Sciences, sport, vocabulaire, voyage, politique, télé, actualité. Littérature, improvisation, malbouffe, publicité, société. Assemblage requis, c'est une émission bâtie pour durer. Assemblage requis, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Édition week-end, les dimanches à 15h. Assemblage requis, aujourd'hui. Si c'est 7 avril prochain au cabaret de l'amphithéâtre Cogeco, Trois-Rivières Metal en collaboration avec Long and McQuaid, Lapis Rock et Sifu 89.1 présente le Trois-Rivières Metal Fest 15e édition. 14 groupes sur 2 soirs mettant en vedette Despised Icon, Jungle Rot, Beyond Creation, Anonymous, Over the Grave et Cato Decapitation. Billets pré-vente à la Puce Rock, chez Béton Punk et en ligne amphithéâtre.cogeco.com au coût de $46 pour un soir, $74 pour les deux soirs, quantité limitée. Et si c'est 7 avril, c'est un rendez-vous à l'amphithéâtre Cogeco pour l'événement métal de l'année. Pour tous les détails, visitez le 3RNF.com. Vous souhaitez découvrir de la musique de partout dans le monde et de nouveaux artistes? L'émission Le Trotteur est pour vous. Afrofunk, Fado, Bluegrass, Zouk, Ethio Jazz et autres styles de musique se rencontrent pour un beau voyage auditif tous les mercredis 19h sur les ondes de CFU 89.1. Vous êtes à Trois-Rivières. Vous êtes à Trois-Rivières, c'est le 89.1. 20h04, vous êtes à l'écoute de réanimation The Undead Incorporated Show en compagnie de ce Sinistros et de ce Docteur. Et ça encore pour la prochaine presque heure. Ça va être le fun, hein? Bien entendre, avant cette pause publicitaire, Catatonia, formation suédoise, et la pièce Brave, tirée de leur deuxième parution en 1996, Brave Murder Day, paru en novembre, précisément, sous Avant-Garde Record, à l'époque où ce n'était qu'un trio. Trio qui était composé de Jonas Rengsey, qui à l'époque était à la batterie et au vocal, Frédéric Norman à la guitare et Black Heem, qu'on retrouve toujours dans Catatonia, mais qui est aussi dans Bloodbath, et le musicien spécial qui avait été invité, Mark Ackerfeld, pour faire une partie des vocales beaucoup plus growl. Ben tiens, je voyais la chronique cinéma tout de suite, on va être débarrassé. T'es même pas game. D'abord, beaucoup plus que tu penses. Je vais y aller avec le coup de marteau de la semaine. C'était un coup de masse, de batte de baseball, de mitraillette, de M60. C'était bon. Écoute, de lance-roquette, comme tu veux. Probablement le coup de masse depuis belle lurette, The Greatest Showman, qui est affiché comme étant un drame biographique. Oui, une biographie, parce qu'on parle de P.T. Barnum, qui était probablement l'homme de cirque le plus important de l'histoire du cirque, si on veut, qui aura créé, j'en conviens, le cirque là, dans tous ses éclats, les grandes présentations, les spectacles flamboyants, et ainsi de suite. Donc, un drame biographique, mais aussi, ce qu'on a oublié de dire, c'est que c'est un drame musical. Et musical, pas à peu près, mon petit Sinistros. Donc, écoute, je vais être très, très franc avec toi. J'ai écouté 15 minutes du film. Et là-dessus, j'ai dû avoir au moins 8 minutes de chanson. T'es-tu en train de me dire que la mélodie du bonheur, c'était meilleure, là? Certainement. Ouf! Définitivement. Parce que ça avait un certain charme, ce que lui n'a pas du tout. Ooh. Ça met en vedette Hugh Jackman, Zac Efron et Michelle Williams. C'est un film de Michael Gracie. Et j'ai trouvé ça archi mauvais. Voilà. C'est dit. Par contre, j'ai eu le plaisir de pouvoir visionner le quatrième chapitre de Insidious, The Last Key, qui, je croyais avec ce titre-là, annonçait la fin de cette franchise-là, et je ne le crois pas finalement. Qui est un film de Adam Rabittle et qui met encore en action la docteur Elise Rainier. Qui est une parapsychologue qui s'intéresse énormément pour l'avoir vécu elle-même dans sa jeunesse aux phénomènes paranormaux. Donc, elle est devenue consultante pour des gens qui disent avoir certains problèmes de hantise ou de possession. T'es pas fan de ça du tout, toi? Pas du tout. En fait, je suis tellement pas fan que j'essaie de les provoquer. écoute, cette fois-ci, le Dr. Rainier va être confronté à ses propres phénomènes de hantise et ses propres démons. Elle devra retourner dans sa maison d'enfance qui est maintenant occupée par quelqu'un d'autre. Et ça dégénère en quelque chose d'assez parallèle, mais assez fort intéressant aussi. Et ce que j'ai trouvé très bien dans le film, c'est qu'à la fin du film, on fait un parallèle direct, mais vraiment direct, avec... J'ai toujours un blanc de mémoire avec ce titre de film-là. C'est vraiment con, hein? The Conjuring, voilà. Oh. Est-ce que tu as vu The Conjuring? Partie bout. Bon, moi, j'ai adoré le premier, il était vraiment génial. Le deuxième était bien aussi. Le troisième, c'est au troisième qu'on fait office ici avec la famille Warren. Et donc, le téléphone sonne dans les dernières scènes du film et c'est le docteur Elise Rainier qui répond en pleine nuit, qu'elle dit « Ah oui, il n'y a pas de problème. D'accord, Madame Warren, je vais m'y rendre. » Et le dernier film de Conjuring commençait quand elle arrivait. Fait que c'était vraiment un lien fort intéressant qui présume que il y aurait probablement autre chose qui va se faire après ce qui s'est passé avec le dernier Conjuring. Dans un genre de mash-up dans Conjuring puis Insidious. Là. Ouais, peut-être, potentiellement. J'ai trouvé ça fort intéressant. Donc, c'est un film que j'ai trouvé quand même plus que distrayant, mais bien fait, bien amené, avec, je dirais, des éléments de vrais films d'horreur. Donc, voilà, c'était pour la brève chronique cinématographique. La semaine prochaine, je vais vous parler de la 5e saison de Vikings. Ça, j'ai vraiment hâte de voir. Pas trop, parce que j'ai pas écouté encore. Ben, ça te laisse une semaine pour tout l'écouter. Et tabarnouche. Ouais. Première présentation de la soirée s'adresse à l'album marquant du mois, puisque c'est la dernière émission du mois du mois de réanimation. Ouais, c'est ça. La dernière émission du mois de mars. C'est la présentation de cet album marquant s'adresse à Morbid Angel, l'album Covenant qui est paru le 22 juin 1993 sous étiquette E-Rake. Et qui venait de déterminer pour cet album-là, du moins pour un court laps de temps, que Morbid Angel deviendrait un trio, c'est-à-dire David Vincent à la basse et au vocal, Pete Commando Sandoval à la batterie, au drum, si vous préférez, ainsi que Trey Azaktot, de son vrai nom George Michael Emmanuel III, à la guitare et aux keyboards. Covenant, qui se traduit par engagement, si vous voulez, de type satanique, bien entendu, le troisième album de la formation floridienne, en faisant abstraction de Abomination of the Desolation, qui était considéré à l'époque comme un démo, et qui sera sorti plus tard comme étant un album, entre guillemets. Initialement distribué sous étiquette Giant, Covenant désigne aussi le groupe à ce moment comme devenant un trio, comme je le disais, surtout au départ du guitariste Richard Brunell. C'est aussi le premier album du genre death metal à avoir battu des records de vente, 127 000 exemplaires aux États-Unis, plus de 500 000 dans le monde. C'est pas rien quand même, là. Selon certains, Covenant serait le meilleur album death metal paru. Rolling Stone le place au 75e rang des meilleurs albums metal de tous les temps. La majorité des textes sont signés David Vincent et sont considérés comme ceux contenant le plus de sujets occultes et sataniques de la discographie du groupe. Un clip vidéo sera fait pour God of Emptiness et sera diffusé sur MTV et ce contre toute attente, bien entendu. Pour faire peur. Voici donc l'un de mes albums préférés du métal, bien entendu, Covenant. Let's go. Yeah. C'est fou. C'est fou. Vous êtes assez fou. Du lundi au vendredi, Mathieu Plante, Tania Beaudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Science, sport, vocabulaire, voyage, politique, télé, actualité. Littérature, improvisation, malbouffe, publicité, société. Assemblage requis, c'est une émission bâtie pour durer. Assemblage requis, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Édition week-end, les dimanches à 15h. Assemblage requis. La sortie de secours est une émission de cuisine où chaque semaine, nous vous convions à apprendre des recettes comme le bourgeois rôti, le politicien dans sa sauce d'enveloppe brune ou encore le président aux Cheetos. La sortie de secours est à votre gauche. L'émission coquine d'affaires publiques, le jeudi 18h, en rediffusion samedi 11h, sur les ondes de CIFU 89.1. Vous souhaitez découvrir de la musique de partout dans le monde et de nouveaux artistes? L'émission Le Trotteur est pour vous. Afrofunk, Fado, Bluegrass, Zouk, Ethio Jazz et autres styles de musique se rencontrent pour un beau voyage auditif tous les mercredis 19h sur les ondes de CIFU 89.1. CIFU 89.1 FM. FM. h 32. Et avant cette pause publicitaire, on a entendu les présentations de l'album marquant mensuel, soit du mois, si vous préférez, avec Morbid Angel et Covenant. Troisième album officiel à cette époque, paraissant en 1993 sur Erake et initialement sur Giant. On a entendu la pièce à l'instant de Lion's Den, qui est ma préférée de l'album, juste avant Vengeance is Mine, World of Shit, The Promised Land. C'est précédé de Pain Divine, ainsi qu'en ouverture, la pièce de l'album, la pièce qui ouvre cet album, c'est-à-dire Rapture. Morbid Angel, qui aujourd'hui sont à des années-lumière au niveau du line-up de ce qu'ils étaient à l'époque, bien sûr, puisqu'il ne reste que Trey Azaktot, George Michael, Emmanuel Detourd, si vous préférez. Je pense que c'est pas George Michael, tout court. Oui, ça là, je me serais posé. C'est peut-être pour ça qu'il a changé de nom aussi. Hein? Et puis qu'il s'éteint. L'histoire de ne pas se faire achaler. Il ne reste donc que Trey Azaktot de la formation originale. Puis il y a peut-être plusieurs raisons pour ça. Hein? Ah ben, c'est des raisons qui semblent assez évidentes pour tous. C'est quelqu'un d'assez particulier. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié, parce que moi, certainement. 20h34, Sinistros, ta présentation de la semaine. Première présentation de la semaine, devrais-je dire. Ben oui, Frank X. Un individu... Un individu pas de cheveux qui est assez flyé. C'est un gars qui vient du coin de Victoriaville, si je ne m'abuse. Qui est à la fois musicien, cinéaste, vidéaste, monteur, infographiste. Il fait des affaires bien capotées. Puis sa musique, c'est tout aussi capoté. Il est influencé par un paquet de bébelles. Ben, je vais la découvrir, là. Ça a des sonorités parfois industrielles, parfois très dettes, parfois comme un gros cirque. Tu sais, puis ça a l'air d'être un tripeux d'horreur, un peu comme nous autres. Puis je trouve que ça va bien fitter avec Réanimation. D'accord. Le gars, il fait tout seul. OK. C'est vraiment intéressant. C'est un one-man band. Puis, tu sais... Il se prend pas tellement au sérieux non plus, mais tu sais, il fait ça avec sérieux, c'est bien fait, c'est vraiment bien mixé. Il fait tout de A à Z, jusqu'à ses vidéoclips, ses pochettes de disques, puis tout. Là. C'est vraiment okay. c'est cool, vraiment c'est cool son affaire. Là. Okay. Fait qu'on va entendre deux pièces d'un album qui est à paraître. Il m'a envoyé un courriel justement. Je pense que c'est le 8 avril, c'est ça? Ben, aux alentours, oui. Je devrais recevoir l'album au courant des prochaines semaines là, pour une chronique, puis on en reparlera. C'est sûr que je vais en repasser ici à Réanimation. Mm-hmm. L'album, c'est From Planet X. Alors, on va entendre deux pièces, March of Hate puis The Trickery. C'est paru de façon indépendante et ça s'en vient sous peu sur les bons internets et en format physique. Ah, oh, parce qu'il y a de bons internets. Ben, il y en a des moins bons aussi. Je pense que c'est la majorité. Peut-être. Allons-y, Frank X à Réanimation. Let's go. We'll be right back. C'est pas vilain, ça. Ben, c'est très excellent, excellent. Frank Kicks avec deux pièces qui vont être tirées du prochain album From Planet X, son troisième album, si je ne m'abuse. Je crois que oui. Parle-moi de ça, une personne qui est capable de mélanger un paquet de styles, un paquet d'instrumentation, faire un blend qui est original. Tu sais, l'usage des claviers est vraiment, vraiment super. Qui n'est pas limité sur la voix. Non, non, pas en tout, pas en tout. Il grow, là, t'as un bon vocal clean, tu sais, puis je trouve que c'est un très, très bon instrumentiste, le gars, là, très bon compositeur. Ouais, ça a l'air, c'est assez, je dirais que c'est assez... polyvalent comme talent. Oui, oui, c'est vraiment cool, tu sais. Puis on peut avoir des petites sonorités à la Fear Factory, et puis comme tu ne Slapping Young Lad aussi. Un petit peu, ça me rappelle, oui. C'est vraiment, vraiment bon. On a entendu les pièces de Trickery et March of Eight. Ben, j'ai vraiment hâte d'entendre l'album au complet. Ça devrait être quelque chose de très bien cette année. Ça. Je suppose, et je suis curieux, moi aussi, de l'entendre dans son entier. N'oubliez pas que le décompte est aussi fait pour le 3e Metal Fest qui fera sa 15e édition, n'est-ce pas, c'est ça? Ouais. C'est la 15e édition qui se tiendra le vendredi 6 et samedi 7 avril prochain. Et ce, au cabaret de l'amphithéâtre Cogeco. Vous pourrez voir le vendredi les formations Necrosphere, Outre-Tombe, Entrotil, Aeternum, Anonymous, Jungle Rot et Cattle Decapitation. Et tant qu'au samedi 7 avril, Northwalk, Insurrection selon le cas, Divinity, Get the Shot, Obey the Brave, Beyond Creation, ainsi que Despised Icon. Vous pouvez vous procurer les billets sur le 3e Metal Fest, bien entendu, Long and Make Quade, Metal Punk, La Puce Rock, j'en passe, c'est des meilleurs. Et nous aurons la semaine prochaine, théoriquement, si toutes les choses se profilent comme elles devraient l'être, la visite de Jeff Hull, un des instigateurs de ce Metal Fest, ici même en studio, à partir de, je crois, 20h. Il pourra nous faire un historique, d'ailleurs, du festival. Et nous aurons probablement des échanges avec lui qui seront, je dirais, clownesques, je suppose. Sans doute. Aussi, je vous invite à écouter ce vendredi dès 11h ici même à C'est Fou 89.1, rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock avec mon ami le rockmaster René Lefebvre qui vous proposera une émission, je crois, somme toute, dite régulière avec, bien entendu, les segments qui sont d'office comme les éphémérides. Les groupes obscurs ainsi que les albums classiques, probablement que Alain vous présentera aussi quelques nouveautés comme à l'habitude. Et aussi, ce sera la semaine de notre ami DJ Tower of Death avec Subversion sur Underground Québec. Sur SoundCloud. C'est ça. Subversion. Oui. Vous pouvez le suivre sur Facebook aussi. Oui, tout à fait. Il poste sur ses trucs ou aller sur le site d'Hurlemort ou sur le site de Réanimation et aller voir les liens. Tout à fait. Donc, Subversion, musique subversive, ce vendredi, que vous pouvez les retrouver facilement en podcast sur SoundCloud. Nous, la semaine prochaine, nous allons vous proposer, en plus de cette entrevue, ce spécial Metal Fest avec Jeff Hull, les formations suivantes. Sinistros vous proposera la formation Toxic Shock et l'album 20 Last Century. Ainsi que, pour ma part, ce sera une formation qui donne dans un métal extrême, mais fort intéressant, Nightmarer et l'album Cacophony of Terror. Donc, sur ce, nous allons conclure avec un bloc de Sinistros. Oui. Ça décompose de quoi, mon cher? Il se décompose de Heavy Doom. On va avoir du Candlemass avec la pièce Hammer of Doom qui est parue sur Death Magic Doom en 2009. Formation internationale Mirror avec la pièce Heavy King. Ici, on va voir le petit clin d'œil à Speed King. Ah, d'accord. Et même dans la pièce, on entend des petites sonorités Purple, en plus. Oui. C'est paru sur le premier album Mirror. Le nouvel album devrait sortir incessamment. Et on va terminer avec l'excellent groupe allemand Lucifer avec la pièce Israël qui est parue sur Lucifer One en 2015. Sur ce, allez tous vous faire foutre. See you. We'll be right back. the execution of my tomorrow, sword and bound. In the theater of hellfire, the inferno is now. Rhapsody, I cannot breathe inside my tomb.